Selon Yonhap News de Corée du Sud, la troupe de déploiement rapide de l'infanterie de marine sud-coréenne, mise sur pied le 1er mars dernier, livre les manœuvres militaires au littoral ouest de la Corée. Mobilisant le commandement d'opération de la marine et des forces aériennes, le commandement de la 2e flotte, le commissariat de garde côtière de Pyeongtaek, les commissariats de police et les corps des pompiers, les manœuvres dureront jusqu'au 11 courant.